salamaleekum maaleykum salam waaw wa semande ñoo ñew sank nak sama doom nday mo fi jaar jox len mbake mana suñu label de production label de production semande production waaw bi nak mom ben koñ la won moy suñu ginaaw koñ bu fele mbeulxten très bien waaw mbeulxten nak ñom dañ amone habitude par tradition ñom ci ben wèr dañ koy choisir dal né wèr bi dañuy saraxé yap mais saraxé yap bi ren dañ bëgg génné ben méthode bu bess mondialisation très bien une nouvelle technologie ah gaay na bi pa nak buñ koy défé dañuy jël nak bi ñu fess ko tek ko ci barab bu mag ba ku ñew lo dag ya mom très bien lo dag ya mom amul dag bi moy famille sam bi moy famille njaay bi moy pour famille dedet dañ koy tek dal lu wara dag ya mom c'est sam lool neex nak gis nga ko de moy évolution ah légui nak gaay ñu jël nak bi tek ko ray ko fess ko ba nopi nak wara siffler trip pour gaay départ ku nek dag instant buñ koy def nak Merci. Mais ci bir mouvement bi xam nga ku nek yaram tang na ku nek di xecc di dag faaj am benn pa mom dafa eppal ba numuy nek ci mou très bien numuy nek ci mouvement bi faaj rek dal di japp bagage pa ndjay rek nako faaj bagage pa ndjay mu dal nako xex ayya rek musiba dal di am na panjay te prend dal di jox taxaw ne taxaw len dekk bi ñepp ne tek panjay dal ne ku mujjé dag pa fal tam ne ko mana mu ne ko loko tegol mu ne ko fuwa bi mu ne ko domba fuwa dina am karaw